Dans les yeux de Pierrot, la lune réfléchit. Au bord de la paupière, l'on perçoit une perle que la pâle lumière ne peut dissimuler. Personnage futile, amuseur patenté, serait-il possible qu'il sache aussi pleurer? Colombine le sait, qui, sous belle apparence, piétine allègrement le cœur de son Pierrot, faisant jaillir des larmes les perles de ses yeux.